raconter nos défaites, de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Premier épisode. Tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l'on s'en aperçoive. Des visages qu'on pensait oublier, des sensations, des idées que l'on était sûr d'avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent à nouveau. Signe qu'au-delà de la conscience, quelque chose vit en nous qui nous échappe mais nous transforme. Tout ce qui bouge là, avance obscurément, année après année, souterrainement, jusqu'à remonter un jour et nous saisir d'effroi presque. Parce qu'il devient évident que le temps a passé et qu'on ne sait pas s'il sera possible de vivre avec tous ces mots, toutes ces scènes vécues, éprouvées, qui finissent par vous charger comme on le dirait d'un navire. Peut-être est-ce cela que l'on nomme sagesse. Cet amas de tout, ciel d'Afrique, serment d'enfant, course-poursuite dans la médina de Tanger. Tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes abattus et se protéger. Je ne peux pas, moi. Sagesse de quoi ? Cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant. Il ne me pèse pas non plus, non. C'est autre chose. Il m'aspire. Je sens de plus en plus souvent mon esprit invité à explorer ce pays intérieur. La foule en colère sur la route entre Misrata et Sirte. La peur que j'essaie de contrôler mais qui monte en moi. Le café blanc de Beyrouth. Le bruit si particulier des armes lourdes dans les faubourgs de Benghazi au milieu d'une armée rebelle en débâcle. Ces instants si nombreux où j'ai cru être perdu. L'ivresse ensuite, pour moi seul, d'être encore en vie et personne pour le savoir. Pour partager ce bonheur, tout cela. Et les avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller bombarder des positions que je viens de leur transmettre. La chaleur. Les moments étranges de transit dans les aéroports, entre deux zones de guerre, où je déambule dans les duty-free sans pouvoir rien acheter, comme si cet univers-là n'était plus le mien. Tout cela est devenu un monde entier qui vit, se tord, fait ressurgir parfois, au milieu de la nuit, une image. Tout cela m'invite comme s'il y avait dorénavant un autre monde possible, à explorer, à comprendre, celui que je porte en moi. Et je le sens aujourd'hui, tandis que je marche le long du quai en direction de Bellevue Platz. Il y a en moi quelque chose de différent que je ne sais pas nommer, qui s'agrandit et m'aspire. Je sais que cela ne se voit pas encore. Je sais que dans quelques heures, face à Auguste, je serai celui que j'ai toujours été, Hassem Graieb. Je porterai à nouveau ce nom qui n'est pas le mien, mais auquel je me suis fait, Hassem Graieb, agent dans les services depuis plus de 10 ans. Hassem Graieb, que les jeunes recrues, lorsqu'il m'arrive d'en croiser boulevard Mortier à Paris, lors d'une cérémonie officielle, regardent avec déférence, parce que, sans savoir exactement ce que j'ai fait, ils connaissent la liste des terrains d'opération où l'on m'a envoyé. Afghanistan, Sahel, Libye, Irak. Et cela suffit à les impressionner. Hassem Graieb, qu'ils appellent entre eux un chasseur, et ils ont raison. J'ai mené tant d'opérations durant toutes ces années que je suis devenu un chasseur, tueur de la République qui traque sans cesse des hommes nouveaux. Pour eux tous, je serai celui-là encore. Parce qu'à leurs yeux, Hassem Graieb vit toujours, identique à lui-même. Mais je sais, moi, que quelque chose grandit qui me change et s'ouvrira peut-être un jour comme une immense gueule intérieure. Et qui sait alors ce que je ferai ? Lorsqu'il m'a demandé d'où j'étais et que j'ai répondu « irakienne », j'ai vu, dans son regard, qu'il connaissait mon pays. Il a pris ensuite un air étonné, a prononcé une phrase, une de celles que j'entends lorsque je décline ma nationalité. Ce n'est pas trop dur, mais il l'a fait justement pour que cela paraisse anodin. Je l'ai senti. Dans son regard, juste avant, il connaissait mon pays et ce simple mot « irakienne » avait suffi à le transporter là-bas, j'en suis sûre. Plus tard, dans la soirée, tandis que nous étions encore au bar, il est revenu sur le sujet et il a demandé où en Irak. J'ai dit « Bagdad ». Et là encore, j'ai vu qu'à la seule évocation du nom de ma ville, il partait là-bas en esprit. Il s'en est moins caché. Il a gardé le silence longtemps, et je n'ai rien dit. Puis il a eu un sourire doux, et j'ai su que nous monterions dans sa chambre. J'ai su que nous ferions l'amour. Pas seulement à cause de Bagdad, mais parce qu'il acceptait de ne plus jouer à celui qui ne connaissait pas. Parce que la seconde fois, il n'avait pas posé une de ces questions que l'on me pose si souvent. « Et tu retournes encore là-bas ?» Non. Il était juste resté avec les images de cette ville qui était en lui et il avait pris son temps. J'ai tout de suite su qu'il était militaire. Ou quelque chose comme ça. Je le lui ai dit. Il n'a pas nié. Il a même dit « Ça se voit tant que ça ?» Puis une blague peut-être. Il faut que je change de métier alors. Je ne sais pas depuis combien de temps je rencontre des hommes dans les bars des hôtels. À Paris, à Genève, à New York. Ce n'était pas le premier. J'ai commencé après ma séparation d'avec Marwan. Cela en surprend certains, parfois, que je sois irakienne. Comme si cela empêchait le désir du corps et le désespoir besoin d'aimer. Marwan aimait bien citer Éluard. C'est une des choses que j'ai gardées de lui. Et le goût du sexe, aussi. Peut-être. Je me souviens, lorsque nous faisions l'amour, à Alexandrie, dans cet appartement qu'il louait, face à la mer, pressé de profiter de ces heures qu'il avait volées à sa vie, à sa femme, au Caire, au musée. Ensuite, il y avait la solitude, toujours, et l'attente, jusqu'à ce qu'il me quitte. L'air est frais et vivifiant. J'aurais dû marcher d'un pas vif, comme je l'ai fait si souvent en des occasions semblables. Je suis sur le point de retrouver Auguste, mon officier traitant. Il m'assignera une nouvelle mission. Tout va reprendre. Je serai Hassem Graieb ou un autre. Je serai français d'origine algérienne, ou tunisienne, ou libanaise. Mille vies, les unes après les autres. Et le danger toujours pour les rendre intenses. Je pense à la chambre d'hôtel que je viens de laisser derrière moi. Baignée d'une belle lumière du matin. Avec le lit au drap défait. Cette chambre qu'elle a quittée avant moi. Et ce n'est que maintenant, le long de la Limmat, approchant du dernier pont avant le lac, que je me souviens de lui avoir donné rendez-vous là, à Bellevue Platz, cet endroit où je dois retrouver Auguste pour qu'il me présente à un homme des services américains, mais une heure avant. Et je ne parviens pas à savoir pourquoi j'ai fait cela. Pourquoi ce rendez-vous? Je repense à Mariam, que j'ai rencontrée hier. À la nuit que nous avons passée ensemble, dans l'accord tacite que personne ne demanderait à l'autre qui il est vraiment. Nous contentons l'un et l'autre de nos deux prénoms, Hassem et Mariam, et de nos deux corps. Pourquoi lui ai-je donné rendez-vous ce matin? À l'hôtel Zum Storchen, avec cet homme qui m'a dit qu'il s'appelait Hassem, quelque chose était différent. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée. J'étais bien. J'ai laissé la douceur de la chambre m'entourer. Je croyais qu'il dormait à mes côtés. Je me trompais. Il a dû sentir au mouvement de mon corps que je m'étais éveillée. Sans bouger, avec une voix douce, il m'a demandé de lui parler de mon métier, de lui raconter une histoire d'archéologue. J'ai pensé à Mariette Pacha, à cause de la statue de Bess, sûrement. Mariette Pacha est entrée dans la chambre et j'ai senti qu'Hassem m'écoutait avec avidité. J'ai raconté ce jour à Abydos, où l'archéologue français désigna à ses ouvriers un endroit où creuser. J'ai raconté comment les hommes creusèrent et furent sidérés de trouver des vestiges. Et j'ai raconté qu'un ouvrier a demandé à Mariette comment il avait su que c'était là. Et lui de répondre « J'ai su parce que j'ai 3000 ans ». Hassem a écouté. Il n'a pas ri. D'habitude, lorsque je raconte cette anecdote, les gens rient, prenant cela pour un bon mot. Lui non. Il n'a pas ri parce qu'il est comme moi. Il sait que c'est vrai. Et il a demandé qui était Mariette Pacha. Alors j'ai raconté un peu l'histoire de ce pionnier, inventeur de l'archéologie moderne. J'ai raconté la découverte du Sérapéum. C'est quoi le Sérapéum? J'ai expliqué que c'était un tombeau pour les taureaux Apis. Cela l'a intrigué. et taureau apis ? Alors j'ai détaillé les prêtres qui désignent un taureau sacré à la robe noire avec un triangle inversé blanc sur le front. J'ai raconté la longue procession de la bête sur le Nil et partout, sur les berges, les hommes qui se prosternent. J'ai raconté à la mort de chaque taureau apis les 70 jours de deuil, l'embaumement de la bête, sa sépulture dans ce temple où tous les taureaux se succèdent, génération après génération. Et Mariette Pacha qui découvre le lieu, le premier, la difficulté des fouilles, l'attente de l'obtention du fameux firmament qui permet de creuser, et le jour, enfin, où ils peuvent ouvrir la porte qu'ils ont réussi à dégager du sable. J'ai raconté la colonne de vapeur bleue qui sort de la porte ouverte, comme de la bouche d'un volcan, dit Mariette dans ses écrits. Pendant 4 heures, la tombe se vide de cet air prisonnier depuis des siècles. Je vois Hassem fermer les yeux. Imaginez ce spectacle. Plus loin, dans la chambre mortuaire, Mariette découvre non seulement les sarcophages des taureaux, mais là, sur le sol, la forme d'un pied dans la poussière, le dernier prêtre qui s'est retiré avant de fermer la porte. Et ce qui était fragile, ce qui aurait dû être effacé au premier coup de vent, a survécu à tout, aux guerres, aux famines, au déclin des civilisations, aux convulsions du monde. Je lui raconte cela. Et je sais à l'intensité de son silence qu'il pense comme moi, que c'est à la fois extraordinaire et qu'il y a là, dans le fait d'ouvrir cette porte, de laisser cet air s'échapper et la trace disparaître, une forme de violation qui donne envie de pleurer. À la fin, lorsque je me suis tue, j'ai cru qu'il allait garder le silence, un peu gêné, parce que j'avais peut-être trop parlé, parce que c'était étrange de convoquer ainsi Mariette Pacha et les taureaux sacrés d'Égypte, alors que nous étions nus, côte à côte. Mais il n'y a pas eu de gêne. Il s'est tu quelque temps, comme pour laisser vivre encore un peu les images du lointain. Puis il a pris la parole à son tour. Il a juste prononcé quelques vers. Il a dit « Corps, souviens-toi, non seulement de l'ardeur avec laquelle tu fus aimé, non seulement des lits sur lesquels tu t'es étendu, mais de ces désirs qui brillaient pour toi dans les yeux et tremblaient sur les lèvres. » C'était sa façon à lui de répondre au taureau apis, de m'offrir quelque chose à son tour. Il a ajouté le nom du poète, Kavafi. J'ai pleuré. Doucement. C'était comme s'il avait deviné. Marwan, Alexandrie. C'était comme s'il savait pour la maladie qui est en moi et la fatigue, parfois, de cette vie de combat. Alors j'ai pleuré. Oui. Et il n'a pas essayé de me réconforter. Il savait que c'était mieux ainsi, que pleurer me lavait de quelque chose dont je ne pouvais parler. Corps, souviens-toi, non seulement de l'ardeur avec laquelle tu fus aimé. J'ai su alors que j'allais aimer cet homme. J'ai su que les mots de Kavafi, il me les donnait, pressentant, par je ne sais quelle clairvoyance, qu'il me faisait du bien. Alors j'ai su que c'était à lui que je donnerais la statue de Bess que j'ai depuis si longtemps, sans le dire à personne, car à cet instant, j'avais rencontré quelqu'un qui, comme moi, avait 3000 ans. Je me suis assis à Bellevue Platz, sous le kiosque en béton où a été construit un banc filant sur lequel peuvent s'asseoir ceux qui attendent le tram les jours de pluie, ou ceux qui, comme moi, voudraient rester là et contempler le va-et-vient de la rue. Je bois doucement le café que j'ai pris à emporter dans le bar qui est à côté de la guérite où l'on vend les billets. Les trams se croisent, s'arrêtent, repartent. Le numéro 5, le numéro 7. Ils passent et glissent sans cesse. Des hommes et des femmes descendent. Où vont-ils, tous, avec cet air décidé? Parviennent-ils à croire à cette vie? À y être pleinement. Il y a quelque chose en moi qui s'en détache. C'est imperceptible, mais je le sens. Je sais que je ne devrais penser qu'à mon rendez-vous avec Auguste, être tout entier dans cette concentration, mais je n'y parviens pas. Je revois les cheveux épais de Mariam qui brillaient dans la nuit. Je revois ses épaules nues et la douceur de ses mains. Je continue à laisser passer les trams. Le café refroidit doucement dans le petit gobelet en carton que je tiens au creux de la main. Est-ce le signe que je vieillis? Là, cette faille imperceptible qui me détache des choses, qui me rend moins tendu, moins aiguisé, et me fait de plus en plus souvent observer le monde comme s'il s'agissait d'une scène de théâtre. Vivante. Il m'a rendue vivante. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie ainsi. Alors, lorsqu'il m'a donné rendez-vous à Bellevue Platz, à 10h, je n'ai rien répondu, mais j'ai su d'emblée que j'irais. Vivante. Oui. Malgré la maladie tapie en moi, cette maladie dont on m'a parlé en regardant des analyses de sang, avec un air sérieux, concentré, cette maladie qui imposait des analyses plus approfondies, qui faisait baisser la voix des médecins, qui nécessitait un spécialiste et certains protocoles, cette maladie que j'ai vue, enfin, sur une radio qu'on a brandie devant moi. Lui, avec le plaisir qu'il m'a donné et l'intensité de l'écoute qu'il m'a accordée lorsque je parlais du Sérapéum et de Mariette Pacha, il m'a fait oublier mon ennemi intérieur. Ce n'est pas pour cela que je vais au rendez-vous. Ce n'est pas par gratitude, ni par désir. C'est parce que j'ai vu ses failles. Il ne s'est pas caché. Un homme penché au bord d'un gouffre. J'ai senti qu'il allait disparaître et il m'a semblé qu'il devait y avoir quelqu'un pour le voir se quitter à lui-même. Il part, je le sens, pour des lieux dont on ne revient pas, ou tellement changé qu'il est impossible de dire si on en revient réellement. Je monte dans ce tram et ce n'est pas pour le paquet que j'ai glissé dans son sac avant l'aube, lorsqu'il dormait encore. Je monte dans le tram mais je ne lui dirai rien de la statue de Bess que j'ai glissée entre deux chemises au fond de sa valise. Peut-être ne comprendra-t-il pas ce que représente cette statue. Peut-être ne nous recroiserons-nous jamais, mais je sais que c'est juste. La statue est faite pour être donnée, de main en main, de siècle en siècle. Est-ce que je n'ai pas donné rendez-vous à cette femme uniquement pour me laisser la possibilité qu'il se passe quelque chose avant mon rendez-vous avec Auguste? Avant que la République française ne s'empare à nouveau de moi, ne me confie un nouveau nom, une mission, un terrain d'opération. Est-ce que c'est cela que je veux? Retarder le moment où un homme qui est mon supérieur, que je connais depuis des années mais que j'appelle toujours par ce nom, Auguste, tout en sachant très bien que ce n'est pas le sien, me donnera une enveloppe qui contiendra, comme elles en contiennent toutes depuis 10 ans, des billets d'avion, un contact dans une ville lointaine et des recommandations précises. Je me demande si c'est cela que j'espérais cette nuit, lorsque j'ai dit à Mariam que je serai à Bellevue Platz à 10h, échappé à ce que je suis. Le tram glisse le long du fleuve. Je laisse la ville défiler sous mes yeux jusqu'à Bellevue Platz. Lorsqu'il s'arrête, je ne descends pas. Pourquoi le ferais-je? Je regarde par la vitre. Je le cherche. Il suffit que nous nous voyons, encore une fois. Il suffit qu'il ait le temps de me regarder, de voir que je suis venue, que j'ai compris qu'il fallait quelqu'un pour lui dire adieu aujourd'hui. Il suffit d'avoir ces quelques secondes qui font de notre rencontre, soudain, autre chose qu'une soirée de jouissance dans une chambre d'hôtel, autre chose que toutes ces nuits précédentes où j'embrassais des hommes que je n'ai plus jamais revus. Il suffit qu'il me voie. Les minutes sont douces. Je pourrais rester ici toute la journée. Chaque tram qui s'arrête déverse une petite foule d'hommes et de femmes pressés qui descendent avec célérité. Et puis d'un coup, alors que je suis sur le point de me lever, là, devant moi, dans le tram, son visage à elle apparaît. Elle est derrière la vitre d'une des fenêtres et me contemple. Elle est venue pour cela, je le sens. Elle ne descendra pas. Elle va rester à l'arrière du tram, debout, face à la vitre. Je me lève, fais quelques pas dans sa direction. Pourquoi, je ne sais pas. Puis le tram donne un premier coup pour repartir, avec ce petit son aigu pour que les piétons s'écartent des voies. Sa main, alors, lentement, monte, esquisse un geste. Mais lequel? Et nous nous regardons encore, jusqu'à ce que le tram disparaisse tout à fait. Elle n'est pas descendue. Elle n'est venue que pour ce long regard échangé. Elle a compris que je ne pouvais pas donner davantage. Adieu. Elle est venue pour cela. Adieu, oui. Elle le dit de la main, avec ce geste inachevé. Ses deux grands yeux qui semblent avoir tout vu et ne plus rien craindre. Adieu. Je sais maintenant avec certitude que tout peut commencer. Tout commence. Il le sent. Il voit ce soldat courir vers lui, dans l'allée centrale du campement, dépassant les tentes qui sont plantées ici depuis 8 mois. Et à son passage, les soldats sortent, lèvent la tête, s'immobilisent. Tous sentent qu'il va se passer quelque chose, que la nouvelle qu'il apporte à Hannibal est d'importance. Lui reste immobile, prêt à la recevoir, cette nouvelle, au milieu des siens, jusqu'à ce que finalement le messager parle. Sagont est tombé. Ça y est. Le siège de la ville s'achève. 8 mois de strangulation lente, patiente, pour arriver à ce jour. Tout commence maintenant. Les soldats tout autour de lui hurlent de joie. Et les peuples partout ne tarderont pas à savoir que Sagont n'a pas pu compter sur l'aide de Rome. Les alliances se déferont alors. C'est cela qu'il faut. Que Rome soit seule face à eux. Et alors ils la mangeront. Les soldats maintenant se regroupent et l'entourent. Ils sont une foule compacte. Pour la première fois, ils sentent que le jeune homme qui est face à eux et à qui ils ont promis d'obéir n'est pas un petit chef de guerre, mais un conquérant. Que ce à quoi il leur sera donné de participer n'est pas une série de razzias de mercenaires, mais une page d'histoire. Et ce qu'ils sentent peut-être à cet instant, c'est le souffle d'Alexandre le Grand, car, comme lui et son armée, ils savent qu'ils vont partir sur des routes infinies, entreprendre des conquêtes que personne n'aurait pu imaginer avant eux. Alors ils l'acclament. Hannibal. Hannibal. Ils sentent que c'est l'histoire qui les traverse, mort ou vivant, glorieux ou fracturé. Ils sentent qu'ils vont se mettre en marche. Hannibal. Hannibal. Et que le monde ne sera plus jamais le même. C'était « Écoutez nos défaites » de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Premier épisode. Avec Elsa Le Poivre, Mariam, Éric Herson-Macarel, Assem, Damien Houssier, Hannibal et la voix de Julie Pouillon. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Dominique Massa. À la trompette, Martin Saccardi. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Juliette Eman. Écoutez nos défaites de Laurent Godet et publié aux éditions Actes Sud.